bienvenue à un autre kit de l'utilisateur d'assemblage requis, chronique préférée automne 2011 et hiver 2012. Je m'appelle Mathieu Plante et je suis l'animateur et le producteur exécutif d'assemblage requis. Au cours des deux dernières sessions, François-Olivier Marchand et moi-même avons eu l'immense plaisir d'accueillir plusieurs chroniqueurs dans nos studios. Récemment, nous leur avons demandé de choisir leur chronique préférée des deux dernières sessions et nous vous les présenterons au cours des deux prochaines heures. Au programme, la chronique linguistique de Jasmine Raymond-Dréville sur les expressions aux définitions obscures, l'éditorial culturel de Sébastien Duluth sur le Festivois, la lettre d'amour au vinyle signée Simon Fitzpé, un des plats favoris de Stéphanie Gagné, les choix musicaux de Kiwan La Liberté, une suggestion de lecture de Marie-Pierre Laforge-Bourret et En Bonnie, notre entrevue préférée avec la formation East Road. Pour débuter, voici la chronique préférée de celle qui va co-animer avec moi tout l'été, Jasmine Raymond-Dréville. C'est le temps d'accueillir, chaleureusement. OK. Est-ce qu'il faut se lever debout? Applaudissez-moi! Ben, oui! Bravo! Ouais! C'est Jasmine Raymond-Dréville! Salut! Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine apporte de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon! Bon, ben, en tout cas. Salut, Jasmine! Salut. Bon matin! Allô! Ça va bien? Oui, vous? Oui! Pas si pire! Ce matin? Ouais, mettons. Ça va aller encore mieux demain. Hein? Ouais. Parce que François sera pas là. Ouais, tu me remplaces en fait. Oui, je sais. Ouais, c'est ça. J'espère que ce sera pas une surprise. Oh! C'est demain. Hey, puis Myriam qui arrive. Déjà, tabarouette. On va lui laisser le temps de se déshabiller un peu. Ouais, attends, je vais faire une petite musique. Pom, tu capin, ouais, on déshabille. Pom, tu capin, ouais. Bon, là, on s'enlève pas ça. Arrête, ça va. Hey! Donc, Jasmine, oui, on parlait J'ai fini de vous parler de la nouvelle orthographe. Yeah! Si j'ai le choix, danse de bonheur que. Personne comprenait pendant ces 3-4 semaines-là. Il y en a un ici à ma gauche qui doit être très content, n'est-ce pas? Ouais. François? Ouais. Ah, sérieux, j'avais de la misère à saisir, là, des fois, là. Surtout à la radio, je pense que. C'est pas évident. Mais là, on y va dans le plus divertissant. OK. Ça va être intéressant. On va manger notre chapeau. Ouais, ben c'est ça, des expressions. Manger son chapeau. Et leurs origines. Oui. Mais manger son chapeau est une française qu'on connaît pas tellement. Ben, je suis passée par-dessus parce que je me suis contentée de choisir celle qu'on utilise ou celle avec lesquelles on est peut-être plus familière parce que, honnêtement, moi, le coup du père François, j'ai jamais entendu ça. Puis manger son chapeau non plus. Fait que je me suis contentée de sélectionner les plus connus ici au Québec parce que le livre que j'ai. Qui s'intitule « À la queue leuleux » est un livre français. Mais ça, on connaît l'expression « à la queue leuleux ». Oui. Par contre. Mais dans le fond, c'est toutes des expressions dont on connaît un peu la signification, mais peut-être qu'on dit sans savoir sans un penser. Peu pourquoi on met ces mots-là ensemble. Là, c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà donc, on commence. Allons-y. On va amener Myriam jusqu'au cas où, juste pour dire qu'elle est là puis que son micro est ouvert. Ah ouais, si jamais elle veut parler. Mets des écouteurs. Ils sont pas branchés en plus. Bon, ça a l'air préparé, yep. Tout ça. Ouais. Son fil est pas long. Tu vas te rapprocher. Elle va faire des dégâts. OK. OK, donc on y va. Première. La course contre la montre. Course contre la montre. Tu veux dire être pressé et courir après le temps, là, finalement. Oui. Donc ça vient de l'époque où le cyclisme est apparu. Okay. Et ce qui est arrivé aussi pas mal en même temps que l'arrivée de la montre bracelet. Puis les gens, pour se pratiquer finalement à aller vite, tu sais. Oui. En bicycle, ben, ils étaient tout simplement contre leur montre, donc c'était la personne qui allait le plus rapidement. Avec sa montre. C'est ça. Okay. C'est tout. Celle-là, elle avait son vélo. Ça date de là. Comment? Ça date de ça. Myriam, qu'est-ce que tu dis? La montre, est-ce qu'elle avait son propre vélo? Ah, okay. Non. Voilà. Mais c'est tout. C'est juste ça. Il y en a des plus fun. Pendre la crémaillère. Oui, la pendaison de crémaillère quand t'as un nouvel appartement, patente, une maison. C'est la patente pour accrocher les chaudrons, c'est ça. Crémaillère. Ah. Dans le fond, dans l'antre du foyer, autrefois, les gens faisaient leur nourriture là, donc ils suspendaient une marmite à une crémaillère, qui est une espèce de petit crochet en métal qui servait à ça. Puis c'était la dernière pièce qu'on installait. Ben, pas la pièce, mais le dernier truc qu'on installait dans la maison lorsqu'on déménageait, puis là, c'était la grosse fête et on pouvait enfin manger. Dans ça veut plus dire ça, là. Ben, ça veut dire, dans le fond, Partie. Autrefois, c'était quand les gens, justement, emménageaient dans une nouvelle maison, c'était le dernier truc qu'ils installaient. Ben, là, à cette heure, ils font plus ça. Fait qu'on ils servent dire, de leur four puis leur cuisinière, mais quand même, ça signifie de. Ben, faire vous la savez, fin. Là, quand. Qu'est-ce qu'on fait en dernier quand on déménage, mettons, défaire les dernières boîtes? Mettons, on préfère un party de défaisage des dernières boîtes, mettons. Non, dans laquelle il y a tes chaudrons puis dans avec mettons, quoi tu peux manger. On pourrait faire ça. Ou pas. Donc, c'est ce que ça veut dire. Accrocher les rideaux. Nous autres, on accroche des rideaux à fond. C'est plate, ça. Hein? Ouais. Oh. J'ai de l'expérience là-dedans, faut pas ramener, ça. Dans le temps des on te souhaite pas l'année prochaine. Merci. OK, larme de crocodile. Oui. Et vous savez d'où ça vient? Crocodile, est-ce que ça pleure? C'est, ça vient d'une légende où on disait que les crocodiles, et non les crocodiles, pour attirer leur proie, ils feignaient d'avoir un gros chagrin, là, de pleurer. Ça fonctionnait? À chaudes larmes. Ah ouais, c'est une légende. C'est une légende. Ils tombaient pas de cœur, François. Ça fonctionnait? Puis finalement, donc, ils pleuraient pour attirer leur proie qui venait donc les consoler. Puis finalement, ils mangeaient. Ah, c'est tellement mesquin. Ben ouais, hein. C'est une légende. Ben ouais, une chance, parce que c'est une mesquinerie animale épouvantable. Bon, d'accord. Maintenant, prends ça à cœur, hein. Rouler dans la farine, ce qui signifie duper, tromper quelqu'un, là. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Ah, oh, je l'ai roulé dans la farine. Ah, mais ça me fait vraiment rire, cette... Je disais ça quand j'étais petite. Rouler dans la farine? Est-ce que tu savais ce que ça voulait dire? Non, oui. Moi, j'étais vraiment tannante, là. Moi, je dupais tout le monde. Personne ne connaît l'origine de cette fabuleuse expression. Non. Non. Je veux la savoir, par contre. Autrefois, encore autrefois, parce que c'est des expressions qui datent de longtemps. Jadis, c'est ça. La farine était utilisée pour comme fort, là, pour maquiller les gens, couvrir leurs défauts et pour réussir à cacher justement leurs imperfections. Dégueulasse, hein? Donc... c'est ça. Ça vient là. Hey, tu leur caresses pas de l'eau d'en face. Le livre, honnêtement, c'est pas un livre scientifique. Là. J'ai fait des recherches un peu sur l'auteur pour voir d'où est-ce qu'il vient. C'est un prof dans une université quelque part en France. Donc, je sais pas si... Oui, il a fait ses recherches. Lui, mais probablement. Mais en tout cas, c'est amusant. Du moins. Oui, j'espère qu'il a fait ses recherches. Ensuite, sans crier gare. Sans crier gare. Le train arrive, tu cries, hey, train. Ouais, tu t'es fait, moi aussi, c'est ça que... Ouais, hein. Non! Gare! C'est pas ça. Dans le fond, ça vient de... Tu sais, quand on dit gare à toi, c'est fais attention à toi. C'est gare au chou. Oui. Oh, ça, c'est... J'en ai une avec le mot long. Chou, je pourrais revenir après. Une chose à la fois. C'est ça. Donc, c'est comme si je criais gare, comme dans gare à toi. Okay. Donc, sans crier attention, finalement, donc sans prévenir. Okay. Ça vient de l'impératif. Un cheveu sur la soupe. Voilà. La soupe au chou. La soupe au chou. Ah, lien. Ah, OK. Lien. À huis clos. Ouais, fermé. Ouais. On le dit, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'un huis? Un huis, c'est pas huis comme le chiffre 8, là, c'est huit. Non, H-U-I-S. Ça veut dire une porte, dans le fond, c'est tout. Un huis, c'est une porte. Maintenant, on l'utilise plus, sauf que maintenant, on dit seulement une porte pour signifier... Une porte. Qui bouche un espace, là, tout ça. Donc, tout simplement, c'est pour dire... Pour ceux qui savent pas ce que veut dire huis clos, là, sûrement qu'il y en a, c'est lorsqu'on certaines discussions, délibérations doivent rester secrètes. Ils ne peuvent pas sortir. En CA, mettons, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Prochaine! J'en avais une qui était cool, je sais plus elle est où, mais je la sais par cœur. Donc, brûler la chandelle par les deux bouts. Ouais! C'est pas ton genre, ça. Non? Non? Ah, OK. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire, Myriam? Ben, brûler la chandelle par les deux bouts, c'est quand t'es comme trop occupé. Tu quand veux tu tout faire trop en même temps. T'as un gros plané. Bon, ben, c'est ton genre, ouais, je trouve. Ouais, un peu bon. En tout cas, bref. Moi, je t'en prie. Tranche de vie. Calme-toi. C'est que avant que la lumière, l'électricité... Ben, la lumière a toujours existé, mais avant que l'électricité arrive, les gens s'éclairaient avec des chandelles. Puis, ça coûtait quand même cher. Fait que t'en mettais aux deux bouts. Non, mais quand on disait brûler la chandelle dans les deux bouts, c'est qu'on brûlait beaucoup d'argent finalement parce que ça coûtait cher une chandelle. Oui. Donc aujourd'hui, ça signifie un peu ça, oui. Ça vient de là. Et pourtant. Pourquoi se passe-là? Ben là, elle m'écoute, elle est vraiment intéressée. Ben non, mais c'est parce que souvent quand on dit ça, tu brûles la chandelle par les deux bouts, on dit pas que t'es un grand dépensier. On veut plutôt dire que tu travailles trop. T'es un grand dépensier d'énergie. Ah, comme un Grégory Charles, t'sais. Ah, lui, il y en a. Tu brûles le Grégory par les deux bouts, alors qu'on devrait dire. Donc, pas de blague raciste. Donc, de cette expression de chandelle vient aussi faire des économies de bouts de chandelle. Ça, vous avez sûrement déjà entendu ça. Bon, c'est ça. Parce que les chandelles, ça coûtait cher. Voilà. Fait qu'il fallait pas qu'on la brûle par les deux bouts. Sinon, on gaspillait toutes nos économies. Maintenant, ça coûte encore cher, mais seulement si tes amis organisent des party light. Moi, j'aime pas ces chandelles. C'est cher. Ah, on ça dans un party light. Bon, ça. C'est pas c'est comme une affaire de Tupperware. T'as déjà été là? Ah oui, OK. Soirée, ouais. Moi, j'ai déjà eu ça chez nous quand j'étais plus jeune, monsieur. Quoi ça, une espèce de conférence sur les Party life. Quelle bonne enfance t'as eu? Mais non, non, mais... Tes parents t'aimaient pas. Hey! Non, mais ma mère, mettons, il y avait quelqu'un qui t'a venu chez nous, là, avec des amis, puis tout ça. Oh, ouais. Ouais, c'est quelque chose, hein. Ça sent ta vanille dans la maison. Oui, hein, trop, hein. Ouais. En tout cas, bon. Hein? Ça fait longtemps que je pense qu'il nous en reste. C'est dire comment Lou en a acheté. Moi aussi, exact. Ça finit à plein de poussière, puis c'était comme une texture semi-agréable. Là, ouais. Ouais. C'est dégueulasse, ça coule. Une texture semi-agréable. Ça coule. C'est ça. Ouais. OK, mettre sa main au feu. Ah, ah, ah. C'est ce que ça veut dire, tout le monde? Oui, oui. Ça risque, je le promets, je suis sûr, je le jure. Être vraiment sûr de ce qu'on affirme. C'est ça. Bon, je me trompe pas. Lorsqu'on accusait quelque chose de... quelqu'un, pardon, de quelque chose au Moyen-Âge... La sorcellerie, mettons. Ben, de n'importe quoi, okay. Finalement. Là. La personne, pour prouver qu'elle avait raison, mettait, se brûlait la main. Puis si la plaie guérissait en dedans de 3 jours, ben oui. Ça signifiait qu'elle avait raison. Ça marchait jamais, donc il y avait tout tort, c'est ça, j'imagine? Au bûcher! Je sais pas, le livre ne le dit pas. Ça devait pas la plaie de, voyons, 3 jours. Non, mais il dit ça. Non, mais il y avait plein de croyances. Ben, c'est ça, mais c'était une façon de faire que tout le monde ait tort. Peut-être. C'était pas vraiment de la démocratie. Non. La personne te brûle la main sur une barre de fer, là, tu sais, rouge et brûlante. Et c'est ça. Eh ben. Bon, hein? Prochaine, je pense. le dessus du panier. Le dessus, hein? Pardon. Oui. Je connais pas. Le dessus du panier, ça. Non? Non? Toi, tu connais ça? Jasmine. Oui. Ben, j'ai déjà entendu ça, là. Où ça? Ben, je sais pas. Dans le contexte... On veut des faits. Une heure. Une date? Mais en fait, sur... Une personne? Qu'est-ce que ça veut dire, pour ça. Sur le dessus du panier, ça veut dire être meilleur... Mais meilleur, là, finalement. Le meilleur! Oh! Moi, j'avais un prof au secondaire qui disait sur le dessus du paquet. Ceux qui ont été à l'école chez Vigny vont Le dessus du paquet? Ouais, ça fait bizarre un peu, là. D'un professeur, d'ailleurs. Assieds-toi sur le dessus du paquet. Non, mais dans le sens de... Tu sais, je sais pas, tu donnes ton CV à quelque part, si c'est toi qui a l'air le meilleur, ben ils le mettent sur le dessus. Sur le top de la pile. Et là, c'est la même chose avec le dessus du panier. Au-dessus de la mêlée, mettons aussi. Ouais. Au-dessus de tout. Ouais. Tout ce qu'on veut. Et donc, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que les marchands de fruits, de légumes et tout ça, dans l'ancien temps. Ils mettaient leurs plus beaux fruits. Ouais, c'est ça. Ben oui. Ça juste contrairement aux épiceries où ils mettent leurs produits qui vont être le périmé le plus vite possible en avant pour que tu partes avec. Ben pas le périmé, là, mais le plus près de la date de péremption. Genre, ça va être périmé demain, mais tu vas mettre en avant pour que tu partes avec. Ouais, mais si, t'as une compote de pommes à faire. Ouais, ouais. Bon, mais c'est ça. Et ça veut dire qu'il faut que tu cherches, en arrière. Au-dessus. C'est pas tout qui va se mettre à bouger, là, puis avoir du petit moisi dessus. Oui, moi, si la date est passée, même s'il est en parfaite forme, je vais le jeter. Pour vrai? Non, mais proche. Proche. Oh. Non, mais... Moi, c'est avec le yogourt que j'ai de la misère. Ouais, tout ce qui est mettons, il est plus bon le 31 puis qu'on est le 30, je me. Ben là. Ah ouais, moi, ça dépend. Non, mais je vais le manger, mettons, mais. J'en dirais que. Je vais laisser ça à ma blonde, moi. C'est un peu serré du cœur, là. Tu sais, je me dis, oh non, ouais. En même temps, le 31, il est encore bon. Si j'ai un gros pot déjà ouvert comme semi, là, je suis un petit peu plus réticente à manger mon yogourt, mais c'est un petit truc individuel. Ah ouais. Ah oh ouais, moi j'ai un petit... Ouais, toi, c'est folie, là. J'ai une paire de mousse. On est funky comme ça. Bon. Quoi? Une paire de mousse. Ah, une paire. J'avais compris, j'ai une paire de mousse. Je sais quoi. Bon, en effet, mais on parlait pas de ça. Une paire de mousse au-dessus du panier. Bon. Proche des cigares au chou. Jasmine? Mais il n'y a pas l'expression cigares au chou. En dessous, c'est cigares au chou pour qu'on élimine ça de notre système, là. Ah, oh, OK. J'aime ça, les cigares au chou. Bon, être au bout du rouleau. Oui, au bout du rouleau. Être fatigué. C'est pas un rouleau à part, ça? Tout, non, ça prend pas. Rouleau de papier toilette. Jim, elle te le dit avec ses yeux, hein? Ça prend pas. Qu'est-ce que tu dis là? Puis en plus, c'est qu'ils savent que les gens vont se tromper là, dans le livre. Ils disent au début, oui, certes, mais de quel rouleau s'agit-il? Ici, on parle du rouleau sur lequel le texte des comédiens en théâtre était écrit. Ah. Puis lorsqu'il était rendu à la fin, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire. C'était fini. C'est au bout du rouleau, il pouvait juste s'évanouir. Donc, justement, ça a progressé dans le temps, là, donc. Au bout du rouleau, ça a été justement plus capable de rien faire tellement on est fatigué, t'as plus rien à faire. Intéressant. Au bout du rouleau. C'était l'emballant. Ben, ouais, c'est vraiment comme une scène qu'on vient de vivre là de Myriam, du talent d'actrice. Ouais, ben en fait, je voulais comme exprimer l'expression. Je voulais la mettre en scène. C'est réussi. Mais il m'en reste une coupe de. Denise, attention à ton poste. Denise Figuero. Okay. Oui, je me trompe trop. Il y a eu un hommage à Denise Figuero 3 à TVA. Là. Ben, c'est pas pour ça que je disais ça. Bon. Tout le monde est comme gentil avec elle. Ouais. Bon. Alors qu'elle, paraît-il, qu'elle est bien raide avec pas mal de monde. Ben oui. Il y en a qui aiment ça, les femmes raides. Hein? Non, mais pas raides. C'est pour pas... ça que tout le monde est gentil avec. Non, mais pas raides, pas fines. Raides, tu sais, strictes, mettons. Là. Je trouve qu'elle a pas de l'air sympathique. Jasmine? Oui! Je parlais plus. Prendre la poudre d'escampette. Oui, oh, c'est sauvé! Je l'aime, celle-là. C'est sauvé? Oui. Prendre la drogue, des pentes enneigées. All right! Escampette, si on se fie à son origine, là, je voudrais dire quelque chose comme fuir, puis fuir très rapidement par un champ. Je pensais, escampette, ça voulait dire genre magie. Non. Ça, c'est Perlin Paysan. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais en tête. Puis dans le fond, quand la personne s'enfuit vraiment rapidement dans le champ, ça fait comme la poussière lève derrière cette personne-là. Ouais. Comme de dessin animé. Ouais. Comment il s'appelle, celui qui fait. Bugs Bunny. Roadrunner. Wile E. Coyote et le Roadrunner, oui. C'est ça, lui, il en fait en tabarouette quand il court. Ouh. Ouais, mais ouais. Il gagne toujours. Ouais. Je l'aime. Fou allié. Fou à lier. Fou à attacher, là, comme lier des liens. Là. Jean-Pierre Coilier. Hein? Ben, tu sais, mettons, tu fais des liens, tu sais, il est tellement fou qu'il faut que tu l'attaches, tu fais des liens avec une corde. Mais fou à lier, qu'est-ce que ça veut dire? De quelqu'un qui est vraiment fou, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais autrefois, c'est que dès qu'une personne était folle, on l'attachait, on l'enfermait. Donc, fou à lier tellement folle qu'on doit l'attacher. OK. On aurait tendance à t'attacher, toi. Oh! Parlez pas d'affaires comme ça. Si vous voulez qu'on la vous laisse seul, on peut. Le studio, il y a de la place. Bon. M'a montré mes mousses. Finalement, j'en ai une dernière. Mes choux. Ben justement, ma dernière expression parle de choux. Hey, quel hasard incroyable. Quand on dit faire chou blanc. Ouais. Donc. Comme faire patate, ça, finalement. Rien faire, là. Ouais, c'est ça. Faire patate. Finalement, que ça fonctionne pas, là. Tu peux prendre le légume que tu veux, faire tomate. Faire. Ouais. Fait que j'ai fait carotte hier. C'est un fruit, la tomate, c'est vrai. Qu'est-ce que ça dit, Myriam? J'ai fait carotte, finalement. Ouais. Les carottes sont cuites. Hey! Les carottes sont cuites. Tu vas la faire, celle-là? Y a-tu un glossaire après ça? Ben, je l'ai comme semi-compris, là. Il y avait des mots un peu compliqués, puis elle était comme plus plate. Il y avait aubergine dedans, elle était tout mêlée. C'est parce qu'il y en a qui font juste. Il y a des expressions dans mon livre qui racontent pas vraiment d'où ça vient, comme celle-là, c'était comme plus plate. Fait que je l'ai comme skippé. T'as bien fait. Ouais. Bien fait. Donc, faire chou blanc. Ouais. Je veux dire, je l'ai dit. Ça vient d'un changement de prononciation du mot cou. Autrefois, ce qu'on dit, c'est que le mot cou se prononçait chou. Coucou, là, un cou ou un cou? Ou un coucou? C'est où il peut. Coucou, c'est un oiseau. C'est où il peut. C'est où il peut, ok, un cou. Comme un cou, bing, bang, bada, bada, bing. Pas comme le cou en dessous de notre tête, là. C'est ça. De la plupart des gens, là, faut pas être. On englobe tout le monde ici. Il y en a qui n'ont pas de cou. C'est pour ça que je dis, on englobe tout le monde. Mais Myriam. Cou, ça veut dire. Faire cou blanc, ça veut dire que t'es passé à côté, mettons. Mais ce qu'on dit dans mon livre, c'est que ça signifiait, lorsqu'on jouait au quilles, ne rien avoir fait tomber. D'allô. Ben, pas d'allô. Tu peux pas passer à côté des quilles. Ben, tu peux boire. Tu peux pas passer à côté des quilles, y a pas de place. Non, je connais pas ça. Ben, c'est ça. Donc voilà. Je regarde TV Sport pour savoir. C'est pas mal tout pour les expressions les plus fun que j'avais. Ben, Caroline, c'était en effet le party. Écoutez. C'était le party. Ouais. Le party. C'est la fête. En tout cas, t'as pas fait chou blanc avec ta chronique. Ben hein? Non! Aucun non! Les carottes sont pas cuites. Hein? Parce qu'il y en avait des quand même drôles. Tailler des croupières. Tailler des croupières. Manger son pain blanc. C'est pas bon. Ça, ça veut dire quoi? Être pauvre? Oui. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, c'est un qui est là, t'as même expliqué. Là, ça pourrait être. On pourrait les adapter à 2012 si tu manges son Kraft Dinner. Ouais. Non, mais mange son Kraft Dinner d'une autre marque. Mange son sans nom. C'est ça. Mange son sans nom. Hey, mais ils ont commencé à faire des publicités. Hey, hein? Ils sont aussi mauvais que l'emballage. Hein? C'est incroyable. Sans nom, sans maintenant, nom. Font des publicités. Ben, c'est un fond jaune avec une photo d'un produit dessus. Ah, c'est pas le gars. Ah non, c'est le choix du président. Lui, je l'aime. Ben, il a tellement l'air fin. Oui, puis ses produits sont tellement bons en plus. Maintenant, ils doivent acheter de la pub assez fou, je pense. C'est nécessaire. Vu qu'on en a parlé. Moi. D'ailleurs, je propose de faire tirer mon Jetta, si vous voulez. Hein? Non, c'est une farce, c'est une farce. Je m'en ai participé, ouais. Comment? Je m'en ai participé. Faut que tu gardes ta Corsica, toi, qui arrête pas de la vanter. Ouais, non, elle va bien, elle va bien. Demain, j'affronte le massif avec. Aïe, aïe, hein. On va se rendre. Tu te rendras pas. On va voir. Toi, ta voiture, Jasmine, est prête pour demain. Une écho de course. Oui. Hardback pis tout, avec un aileron pour aller plus vite. Incroyable. Vroom. Vroom, vroom, vroom. Elle est prête pour demain. Moi, je suis restée pris dans mon entrée ce matin. Bon, je trouvais ça tellement drôle. Et t'as Rabbit? Mais oui, j'étais pris dans, tu sais, dans l'espèce de petit monticule de neige pour sortir, là, finalement. Que la grue a laissé devant chez toi? Ben, tout à fait. Grue étant la grue, une charrue. Oui. Comment je vois ça? Oui, oui, tout à fait. Ma famille dit. Mais justement, j'étais coincée et je t'entendais dire, ouais, la grue. Là, je me disais, hey, la maudite grue, reprendrais-tu ou moi? Fait que là, j'étais obligée de pelleter en dessous de mes roues. Oh, boy. Au son de votre voix, c'était charmant. Ah, tu vas pas nous entendre quand tu pelletais, là? Ah ouais, j'avais mis mon son très fort. Avec les vitres baissées. Toutes les voix ont écouté la radio. Ah, puis quand je me suis assis dans mon char, je me suis assis dans la neige, finalement. C'est fou, ben, tu des records de garde d'écoute. Ouais, ben oui, ben c'est ça. OK, c'est ça. C'est tout. Belle tranche de vie. Je t'ai pris. Super. En passant, ma mère n'a pas voulu venir. Non. On la salue. La prochaine. Aussitôt qu'il fera chaud, là, au mois d'avril. Hein. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Louise. Louise. Louise. Bonjour, Louise. T'as ta mère, Jasmine? Maman? Oui. Ma mère, c'est quoi la question? C'est quoi son nom? Elle, non, mais elle a quand même un nom particulier. Okay, bon. J'essayais de m'en rappeler, puis quand je me suis rappelée, j'ai fait... Oups! elle s'appelle Marceline. Marceline. C'est super mignon. C'est le nom de ma mère. On a tous des noms particuliers dans je ma famille. Je trouve ça musical. Est-ce qu'il faut que ça finisse par In tout le temps? Non, mon frère, ça finit pas par In. Comment? Mon frère s'appelle Axel. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. On le salue de son Allemagne lointaine. Ah, parce qu'il est en voyage. Et demain, il part pour la Thaïlande. L'URSS. Aïe. Voilà. Pas tous, ça. Non, il s'en va. Juste à côté, là, en Thaïlande. À côté. Le voisin. Le train. Bon, ben, c'est voilà. Merci, ouais, merci, merci, merci, merci. Voici Sébastien Dulude et sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Bonjour, ici Sébastien Dulude et bienvenue à ma chronique Va voir ailleurs. J'y suis cette semaine pour vous. J'ai un radiothéâtre. J'ai appelé ça de la dynamite, pièce en un acte. Dans une salle de conférence, le directeur général d'un festival de musique populaire de région, son adjoint et sa coordonnatrice des communications rencontrent un concepteur publicitaire pour discuter de l'image de communication du prochain festival. Le DG a environ 50 ans, il parle très fort et il a une grosse voix éraillée. Il a exactement l'apparence de Shrek et tient dans chaque main un gros cigare et un scotch qu'il agite lorsqu'il parle. L'adjoint, lui, est un jeune premier, intelligent, posé. La coordonnatrice aime la musique depuis le secondaire et son artiste préféré est Cœur de Pirate. Le publiciste. Votre clientèle cible, vous la décririez comment? L'adjoint. Ah, elle est variée, on rejoint... Le DG l'interrompt. Nos clients, c'est les amateurs de musique. T'sais, ceux qui connaissent ça, là, ceux qui ont inventé ça, la musique. C'est le monde de mon âge. Le publiciste. Donc, des baby boomers. Appelle ça comme tu voudras. Nos clients, c'est ceux qui connaissent ça, comprends-tu? Ils connaissent ça, la musique, ils l'ont dans le sang. Pareil comme moi. T'sais, on a fait la révolution avec la musique des années 70. C'est intéressant, ça, l'idée de révolution. On pourrait peut-être trouver un symbole qui représente une certaine révolution ou un personnage, peut-être. La coordonnatrice. Comme Joanie Rochette? T'en dis donc ben une niaiserie! La révolution, esti, le FLQ, les Black Planters, Che Guevara! L'adjoint. Ouh, faudrait pas aller trop loin quand même, le Che. Quoi, tu n'aimes pas mon idée? Che Guevara, ce serait parfait, ça! Imagine ça avec sa face partout dans la ville! On pourrait faire une grosse affaire! Un gros show de musique espagnole! Une comédie musicale! Avec Sylvain Cossette, pis Claude Dubois qui ferait Castro tabarnak avec des danseuses pis des plumes! Oh, calvo, ça serait beau, ça! Le publiciste. Ouais, vous croyez, le Che, c'est une image qui a été pas mal utilisée déjà. L'adjoint. À notre dernière réunion, on s'était dit qu'on voulait une image branchée, tu sais, très Internet 2.0, quelque chose qui... Ah, oh, toi, ton asti de Facebook, je connais rien là-dedans. C'est bourré de virus, ces affaires-là. Check bien ça qu'il n'y en aura pas un smart à un moment donné qui va essayer de tout nous voler par ordinateur. Le publiciste. Le viral est vraiment tendance ces jours-ci. Il faut exploiter ça. Les hackers, c'est devenu en quelque sorte les nouveaux Robin des Bois. Il y a quelque chose, là. OK, d'abord, on va partir un virus, mais un gros... Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Il s'agit de... Hé, hey, laisse-le donc parler, esti! Hey, toi, tu disais Robin des Bois? On n'est pas pour mettre Kevin Costner sur nos posters, toujours? Ouais, d'autres idées, si t'es pas payé à forfait, ça, là. Le publiciste. Mais il y a un personnage que j'ai en tête. Je l'ai proposé pour une pub à la Banque nationale, mais ils l'ont refusé. sont bien trop heureux. Mais vous, votre festival, vous êtes à l'avant-garde, hein? Vous êtes des visionnaires. Ah. Avez-vous vu le film V pour Vendetta? La coordonnatrice. Ah oui, la reine Amidala était tellement belle là-dedans, même les cheveux rasés. Si tu t'en vas avec ça! Le publiciste. Mais c'est que le personnage masqué est vraiment intéressant. C'est un genre de gentleman terroriste. Son image a été reprise récemment par le groupe de cyberactivistes Anonymous. Le symbole est très fort, vraiment très tendance. C'est audacieux, c'est jeune. L'adjoint. Ouais, mais quel lien avec la musique? Le publiciste. On s'en moque. L'idée est de récupérer l'image pour s'associer à son côté cool. Au pire, on mettra le personnage debout sur un disque. La coordonnatrice. Ouais, mais il est pas un peu méchant, le personnage de V pour Vendetta? Le publiciste. Ouais, mais on va l'arranger. On va graffiter toute la ville avec des F pour festival, en peinture rose. Puis on va changer, mettons, ses bâtons de dynamite pour des pétards multicolores. Comme les couleurs de vos scènes. L'adjoint. L'image ne me semble pas cohérente du tout avec notre festival. Est-ce que notre clientèle ne se sentira pas bernée par le symbole? Je veux dire, Anonymous, c'est quand même des terroristes qui piratent le gouvernement, les grosses compagnies. Pareil comme nous! On est des pirates! L'adjoint est scandalisé. Nous ne sommes surtout pas des pirates. On peut pas... Tais-toi! On est des pirates modernes! On vogue sur les nouveaux styles. On est explosifs! On est underground, tabarnak! C'est en plein nous autres, ça! Le publiciste est ravi. En plus, le risque de choquer est minime. C'est probable que la moitié des gens ne le reconnaîtront tout simplement pas, le personnage. C'est pas grave, de toute façon, tant qu'il a l'air sympathique. Au pire, esti, penseront qu'on a ressorti notre personnage à Showtime. Rideau. Sébastien Dulude, quel acteur? Lieutenant Docteur. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis, chronique préférée automne 2011 et hiver 2012. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis, chronique préférée automne 2011 et hiver 2012. Il a l'affaire. J'étais pas sûr s'il allait se rendre à temps avec ses mains. Ouh! Bon. Simon Fitzbé, bonjour. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Très bien, merci. Très bien. Aujourd'hui, je sais que tu as une lettre d'amour là, pour une certaine Sylvie Nil à nous partager. Là, que t'aimes beaucoup, cette Sylvie Nil. Ah, c'est drôle. Non, c'est drôle. Ne mets pas mon couple en danger en inventant une femme fictive, s'il te plaît, monsieur. Oh, Colin, ce serait pas très, très beau. Prêt. Oh! Oh! Ça, c'est un beau jeu de mots. Merci, mille c'est beau prix. Salut. Ouais. Ouais. Donc, ton amour pour le vinyle... Oui, en fait, j'ai décidé de vous parler ce matin de la maladie dont je souffre. C'est une maladie qui est de plus en plus répandue et qui mobilise l'attention de la personne qui en est atteinte. En fait, c'est une maladie qui est pas grave, en fait. C'est loin d'être grave. Mais elle touche mes proches, tout en prenant beaucoup de place dans ma vie ainsi que dans mon salon. C'est une maladie qui touche les habitudes sociales de ceux qui s'en sont atteints et au point où ils vivent en reclus en tentant de se soigner seuls avec leur système de son. Voyez-vous, messieurs, je suis un junkie du vinyle. Ce format si joli et si pratique, sur lequel, bien sûr, est gravé de la très belle musique aussi. Et c'est quelque chose qui a commencé comme si de rien n'était. Parce que, vous voyez, j'ai grandi dans un environnement pratiquement dépourvu de disques vinyle. Donc, l'influence n'était pas là. J'ai pas eu de mauvaise influence de ce côté-là. Mes parents, ils avaient fait le bond, en fait, vers l'ère numérique du CD alors que j'étais encore très jeune. Notre collection familiale se résumait à un exemplaire du best-of de la compagnie Créole et un album live de Francis Cabrel. Oui, mes parents ont pas un très très bon goût en musique, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et le premier CD qu'on avait en plus, c'était Top Gun. C'était super. Mon père avait ça aussi, mais en cassette. On avait fait des copies. Il va sans dire que notre table tournante familiale, en fait, c'était un bibelot rempli de poussière. Et j'ignorais donc les capacités de cette machine-là. Toute mon adolescence, je les ai passé à écouter les CD, à faire des cassettes, des cassettes pour mon baladeur, à partir de CD que mes amis me prêtaient et aussi de la radio, hein, écouter... Chaume FM, disons, pour pas dire le mot, et essayer de trouver la toune là, qu'on cherche là, dans le temps que c'était de la bonne musique qui jouait à ce poste-là. j'ai également, bien sûr, téléchargé des MP3 plus tard. Je fais partie de la révolution numérique qui fut celle de l'Internet et des MP3. Je suis partie prenante, bien sûr, en accueillant Napster comme une sorte de libération des satanés CD beaucoup trop chers, des cassettes sur lesquelles on devait enregistrer en temps réel. Hein, c'était très long. Et en plus, bien sûr, l'arrivée des lecteurs MP3 quelques années plus tard m'ont libéré des CD gravés, donc ici fragiles, qui s'accumulaient sur les bureaux de travail. Tu sais, on n'écrivait pas qu'est-ce qu'il y avait dessus, puis on savait plus c'était quoi. Fallait écouter le CD. Ah, c'était l'enfer. Mm-hmm. Écoutez, malgré tout, je ressentais un genre de vide au fond de moi. J'ai grandi donc avec les CD. J'ai appris à prendre grand soin de ces petites rondelles de plastique là, et j'ai tout fait en mon possible, bien sûr, pour conserver les petits feuillets qui venaient avec. Les MP3 me libéraient de cette contrainte-là, alors que les fichiers restaient toujours en quelque part sur mon disque dur et facilement, non pas réparables, mais retrouvables. Je pouvais toujours aller, bien sûr, le rechercher sur l'Internet. Mais l'expérience d'écouter un album n'était plus le même, alors que j'écoutais, bien sûr, sur mon lecteur MP3 avec aucun référent visuel. En plus, j'ajouterais à ça que télécharger un album à l'époque de Napster, c'était vraiment l'entreprise une semaine et demie. Oui, oui. Hein, oui. Faut pas oublier ça. Par téléphone. C'était l'enfer. Par contre, les CD à l'époque étaient hors de prix pour mes humbles poches d'étudiants. Maintenant, au cégep, je pouvais plus me permettre d'acheter des CD de 15, 20 ou 25 $ par semaine. Et de plus, j'en étais à découvrir les grands classiques du rock tels que Pink Floyd, les Beatles, Genesis et Yes, tous des groupes dont les rééditions étaient très coûteuses. Et donc, bien sûr, je parlais du prix. Beaucoup trop cher des CD à l'époque où j'étais au cégep et Pink Floyd, la pièce monnaie de Pink Floyd représente un peu ça. Écoutez, j'étais vraiment perdu avec ce qui est les CD. C'était beaucoup trop cher et il n'y avait pas moyen non plus de les écouter. Hein. Je rappelle, à l'époque, ouais. les magasins de disques étaient encore super régnants pour ce qui est de l'industrie. Et lorsqu'on allait pour acheter un disque, il fallait absolument l'acheter. On ne pouvait pas l'écouter. Mais bref, c'est toujours dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis, où je vous parle de ma dépendance au vinyle. Moi, Simon Fédibé, je suis junkie du vinyle. J'ai décidé donc de faire le saut à l'orée de mes 20 ans. Je me suis procuré une table tournante grâce au copain de ma mère qui en avait une avec amplificateur intégré. Il me l'a donné, bien sûr, et j'ai pu récupérer la collection d'un de mes cousins afin d'avoir quelque chose à écouter, bien sûr. Après m'être fait expliquer comment tout ça fonctionnait, parce que tu sais, j'avais jamais opéré de table tournante avant, il a fallu qu'on me le montre, j'ai pu finalement entendre mes premières notes sur vinyle qui changèrent ma vie. À partir de ce moment-là, bien précis, j'étais accroché. J'ai eu une véritable révélation en écoutant le premier album, ces premiers albums-là, dont Yes, la pièce Roundabout tirée de l'album Fragile, qui est le premier disque vinyle que j'ai écouté. C'était fini le CD, fini les pochettes de plastique de 6 pouces ou les lecteurs optiques cachés. Maintenant, tout était dirigé vers le vinyle. Enfin, je trouvais cette joie d'entrer dans un magasin de disques et de me procurer un album de façon légale ainsi qu'un prix beaucoup plus intéressant entre 3 et 5 $ par copie. On pouvait pas se tromper, bien sûr, et se permettre d'investir dans des groupes qu'on n'avait jamais entendus. J'ai donc commencé tranquillement à me monter une collection, cherchant dans les magasins de disques usagés, chez des amis, chez des oncles et des tantes, ma prochaine perle rare, bien sûr. À l'époque, très peu de gens de mon âge partageaient ma passion. J'avais donc la chance de mettre la main sur des copies des Beatles, l'ensemble des albums, des bons albums de Genesis, même quelques Beach Boys en bon état, à des prix ridicules. De plus, je pouvais aussi me procurer des disques sur eBay à des prix modiques, 10 cents, 1 $. C'était la grande vie, quoi. Puis vint mon arrivée à Trois-Rivières où j'ai découvert Le Colimaçon, un magasin après avoir presque abandonné le format vinyle pendant quelques années, il revenait de bon cœur. J'ai pu enfin diversifier ma collection et découvrir des trucs plus à gauche comme Tangerine Dream, Marillion, Blood, Sweat and Tears ainsi que Cannes. Depuis quelques années déjà, par contre, j'ai pu observer une métamorphose dans mes habitudes d'amateur de disques. Je leur fais encore plus attention qu'auparavant. Je les enferme dans des pochettes de plastique afin de protéger leurs précieuses pochettes. Je lave systématiquement tous mes nouveaux achats afin d'éviter que toutes les saletés qu'on peut retrouver dans le fond du rayon se retrouvent sur l'aiguille de ma duale ou bien que cette saleté interfère dans l'écoute de mes précieux albums. J'ai développé un genre de fétiche pour les disques. Disque vinyle, non pas le vinyle, mais les disques vinyle, ça je vais faire bien attention. Oui, oui, je suis pas ben fétichiste oui. Du vinyle. Donc, personne d'autre que moi peuvent leur toucher. Je refuse catégoriquement qu'une autre personne que moi les dépose sur ma table tournante. De plus, j'ai agencé mon salon afin de les mettre en évidence et enfin de placer tous mes albums dans mon salon, mais je manque de place déjà. Je suis désormais dans une quête sans fin, bien sûr, toujours à la recherche du prochain joyau de ma collection qui fera ma fierté. Les disques tournent et n'arrêtent jamais leur évolution sous la pointe de l'aiguille de ma table tournante. J'achète des tonnes et des tonnes de vinyles que je lave et que j'écoute et que je réécoute. Je passe mon temps, bien sûr, chez moi, à écouter des disques, à observer les pochettes, la surface de plastique du disque afin de détecter chacune des petites marques qui viennent altérer la réflexion de la lumière sur la surface du disque. Je cherche les erreurs de pression, les éditions mono-rares, les importations britanniques et japonaises de certains albums moins connus, des albums qui ont jamais été réédités en CD ni même sur Internet. C'en est une vraie maladie, les gars. Mais j'ai pas honte, par contre, de cette maladie-là. J'en suis plutôt heureux, en fait. J'aime la musique et j'aime les disques. C'est une façon pour moi encore de considérer comme si que j'écoute une œuvre d'art. C'est une façon d'honorer en fait les gens qui ont travaillé des mois, sinon des années, afin de rendre leur sur-disque, leur musique qu'ils ont créée ou imaginée dans leur tête. Je serai toujours à la recherche du prochain disque, à la prochaine trouvaille, mon prochain précieux qui accentuera mon amour pour le vinyle. Oui, c'est peut-être un format dépassé. Oui, peut-être qu'une table tournante, c'est vieux et que c'est pas le meilleur moyen d'écouter de la musique. Malgré tout, j'adore regarder mes disques tourner et déposer l'aiguille sur la galette de plastique. Je continuerai à écouter des vinyles. C'est ma passion, c'est beau et c'est cool. Genesis avec Horizons qui terminait cette lettre d'amour envers le vinyle, les disques vinyles que j'adore au point de péter un micro dans cette c'est ça. Hey, ça se peut-tu? Il est tellement contre la nouvelle technologie, lui, qu'il est en train de sacrer ça. Je veux rien savoir de ça. Donc, tu salueras Sylvie pour nous, ta machine à faire tourner des disques, tourne-disques. Oui, non, mais oui. C'est un beau petit surnom pour un tourne-disque. Effectivement. Sylvie? Hein? Nil! Nil! Vinyle! On l'aura fait 6 fois. Je pense qu'on a optimisé le rendement de ce jeu de mots. Ouais, elle est plus rentable. Plus rentable. Un peu comme notre studio, là, en ce moment. C'est la chronique littéraire de Marie-Pierre. Oh, oh. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Mais hein, ça fait une éternité. Bon matin, tout le monde. Un mois? À peu près, oui. Parce qu'il y avait la semaine de travaux et d'études ou de relâche. Là, mm-hmm. On sait pas trop. Puis j'ai pas pu venir l'autre semaine d'après. Fait que là, je suis là. Hein? Oui, oh. La grève aussi, puis tout ça, ces affaires-là aussi. Oh, oui, c'est mouvementé, tout ouais, ça, ouais. L'école. Donc, Marie-Pierre, tu nous fais une chronique littéraire comme ça. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que tu avais un sujet étrange ou bizarre ou spécial. Oui, OK, je vous explique un peu la situation, comment j'en suis venue à tomber sur ce livre-là. En fin de semaine, il y avait le Salon du livre de Trois-Rivières. Mm-hmm. C'était au Delta. Et je suis allée là vendredi soir. Oups, le micro, je le recule. Y avait-tu beaucoup de monde? Oui, oh, ouais. Oui, il y avait du monde. Il y avait beaucoup, beaucoup de kiosques et beaucoup de maisons d'édition. Et bon, je me promenais comme ça, je savais pas trop par où aller. Bon, il y a beaucoup de choses, des livres de cuisine, des livres pour enfants, des maisons d'édition. Et à un moment donné, je passe devant un kiosque. Il y avait un auteur qui attendait là. Bon, c'est rare que le monde va parler aux auteurs, à moins que ce soit des grands noms. Des vedettes. Ouais, des vedettes. Mm-hmm. Et lui attendait là, je me mets à regarder les livres devant. Et à un moment donné, je vais à gauche, je me mets à regarder ça. Et je tombe sur un petit livre rouge sur lequel il y a un petit bonhomme un peu dessiné format BD. Je me dis, hop, le titre, c'est Jeune auteur, J-E-U-N, auteur. Donc, c'est comme un mot valise. Et il est marqué tome 1, souffrir pour écrire. Bon, je me dis, OK, c'est quoi ça? Et j'ouvre le livre et c'est une bande dessinée. Et bon, une bande dessinée de à peu près 100 de pages. Il y a 4 carrés par page. Okay. Donc, c'est une histoire par page avec un titre, okay, 4 c'est, carrés c'est et un personnage. C'est plein de petites histoires, mais c'est l'histoire d'un auteur, d'un jeune auteur, comme le titre le dit, qui essaie d'écrire un roman. Donc, ça part de ça. Moi, je veux écrire un roman, mais c'est tout le processus pour en arriver là. Donc, okay. Le manque d'inspiration, les problèmes avec l'ordinateur. Là, l'ordinateur brise, il écrit à la main. Mais donc, c'est tout le processus, les réflexions, parce qu'on le voit souvent, on voit que ce personnage-là. Il n'y a pas d'autre personnage dans la bande dessinée. Il est toujours assis à son bureau d'ordinateur, l'ordinateur devant lui, café. C'est pas un accessoire, c'est nécessaire, le café. Oui, c'est sûr. Et on le voit écrire. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est des bulles quand il parle, mais on le voit beaucoup réfléchir. Donc, il se questionne sur okay, comment je devrais écrire ça. Puis, il change souvent ses formulations. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé drôle. Je vais vous en lire un. C'est... Je vais vous expliquer, par exemple, une de ces petites histoires-là, donc sur une seule page. Par exemple, on le voit réfléchir à ce qu'il est en train d'écrire. Donc, par exemple, il écrit « Je vais mourir », grommela-t-il. Là, il barre « grommela-t-il », il écrit « Je vais mourir », éructa-t-il. Dans le prochain carré, il est marqué « Je vais mourir », grommela-t-il est barré, éructa-t-il est barré. Il est marqué « Je vais mourir », dit-il. Et il y a un carré, il ne se passe rien, tu le vois juste réfléchir. Et le dernier carré, c'est « Il mourut sans dire un mot ». Donc, il passe de « Il cherche le nom, le bon adjectif, oh, ouais. le bon... » Puis finalement, c'est plus ça pantoute qui se passe. Ouais. Donc, c'est toutes des petites histoires comme ça. Bon, il va chercher son inspiration en... Tu vas aimer ça, Mathieu. En allant jouer à des jeux sur l'ordinateur, Nintendo. Ah, je sais pas, là. Ça fait blob, blob, blob, blob, blob, blob. Ping, ping! C'est le meilleur, ça. Ouais. Ping, ping! Ping, ping! Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très... c'est très rafraîchissant, en fait. C'est quelque chose... C'est pas de la grande lecture. Non, c'est pas de la grande lecture du tout. Ça 3 minutes et c'est fini. Ben, non, mais c'est une demi-heure. Prends ton temps. Mais ouais. Tu sais, t'en lis une par jour. Tu ris un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, faut que tu prennes ton temps. C'est comme un Garfield. Ouais, hein? Ouais, c'est comme un Garfield. Donc, vrai. Moi, je l'ai lu une fois. Je trouvais ça drôle. J'ai ri. Je l'ai relu une autre fois. T'sais, on dirait que t'aimes ça. Tu te tannes pas. C'est comme n'importe quelle bande dessinée. Mais c'est ça, c'est le genre de livre où tu peux ressortir un an plus tard. Puis, ouais. Tu te rappelles pas nécessairement de la blague, de la fin. Ouais. Tu te rappelles, bon, c'est un jeune auteur qui essaye de... On voit le processus, comment écrire sa relation avec sa blonde qu'on voit juste quand elle parle. Ben, on la voit pas sur c'est l'image. C'est seulement sa bulle. C'est seulement sa bulle okay. quand elle parle. On voit son manque d'inspiration. Comment ça se passe après avec les maisons d'édition. Donc, par exemple, il envoie ses manuscrits dans plein de maisons d'édition. Il leur renvoie. Il dit, sa blonde dit, par exemple, il y a du courrier. C'est un retour de manuscrit. Il dit, garde l'enveloppe, ça va m'empêcher d'en prendre une pour leur envoyer un remords. Hein? C'est tout, c'est plein d'humour. Puis il y a même des blagues de pète à travers tout ça. Okay. Donc, c'est... non, ça fait un peu drôle comme ça, mais ouais. C'est une petite bande dessinée super agréable, pleine d'humour. Les étudiants qui sont à la maîtrise, ils vont se reconnaître. Moi, je regardais ça. Ah ouais? Tu sais, le personnage devant l'ordinateur, là, il reste là. Puis pendant 3 carrés sur 4, donc, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a 4 carrés par image. Il fait rien. C'est juste ses yeux qui changent d'endroit dans l'image. Fait que n'importe quel étudiant de maîtrise va se reconnaître. T'sais, tu t'installes, finalement, il y a des heures qui passent, puis t'as rien de fait. Là. Ouais. Donc, ouais, moi, j'ai trouvé ça... c'est très comique. Je vous le conseille fortement. Ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est pas assez long. Mais il y en a un deuxième tome. Ah, déjà sorti? Ou... Oui, il est déjà sorti okay. en librairie. Et bon, le premier s'appelle « Tome 1, souffrir pour écrire ». Et le deuxième, c'est « Gloire et crachat ». C'est paru en 2010. Et bon, cet auteur-là, ben, j'ai même pas dit son nom, j'en reviens pas. Stéphane Dompierre. Okay. Vous en avez peut-être rencontré? Déjà entendu parler. Oui, je l'ai rencontré, je lui ai parlé un peu. Stéphane Dompierre, qui a écrit, bon, c'est basé sur son histoire d'écrivain. Et... Pascal Girard, qui a fait les illustrations, okay. qui est un dessinateur qui était quand même assez jeune. Il est né en 81. Et ensemble, ils ont monté ce projet-là qu'ils ont proposé à la maison d'édition Québec-Amérique, qui ne publiait pas de bande dessinée. C'est ce que Stéphane Dompierre m'a dit. Donc, la maison d'édition ne publie pas de bande dessinée. Mais lui, il est affilié avec cette maison d'édition-là et il a proposé, il dit « Moi, j'ai envie de faire ça, embarquez-vous. » Et ils ont embarqué. Puis ça c'est pas le format d'une bande dessinée, là. C'est vraiment un petit livre. Format livre, là, c'est tout petit. Oui, c'est un petit format livre, tu te doutes pas que c'est un... Non, c'est ça, une bande dessinée. Oui, tu te doutes pas que c'est une bande dessinée, c'est un tout petit livre. Et d'ailleurs, Stéphane Dompierre, sous ce format-là, il a aussi publié des romans, entre autres « Mal élevé » en 2007, « Stigmate et barbecue » en 2011. Et on dit son œuvre que c'est très cynique, tendre à la fois, drôle, cinglant. On dit aussi qu'il y a de la sexualité dans ses œuvres, beaucoup d'humour. Donc, si vous voulez quelque chose de rafraîchissant, je pense que c'est l'auteur à lire, Stéphane Dompierre. Excellent. J'ai pas encore lu un de ses livres. format roman. Mm-hmm. Mais j'en ai acheté un, donc ça s'en vient. OK, c'est ça. Ça t'intriguait assez pour en acheter un et le lire. Oui, ça m'a assez... nous en parler, mettons. Oui. Exemple. Par exemple. C'est comme ça, ça. Et les prix au Salon du livre, ça peut ressembler à quoi? Prix du livre? C'est moins cher un peu, c'est pas... Si c'est la maison d'édition qui est là directement, c'est supposé être moins cher qu'en librairie parce qu'il n'y a pas le prix... du libraire. Oui, il n'y a pas le prix du libraire dans le sens qu'il n'y a pas besoin... Ils ne mettent pas nécessairement les taxes et pas nécessairement non plus le prix que la librairie chargerait pour faire un peu de profit. Donc, c'est peut-être un peu moins pour cher qu'en librairie. Ouvert. Ouais, c'est ça. Les librairies chargent plus cher pour rester ouvert, ouais. J'imagine. Ouais. Mais non, c'était le fun, le Salon du livre. Moi, j'ai aimé ça. Juste pour avoir fait cette découverte-là, je pense que ça valait la peine. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis, chronique préférée automne 2011 et hiver 2012. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis, chronique préférée automne 2011 et hiver 2012. Alors, on parle avec Kiwan en direct de l'Alberta. C'est le moment d'écouter de la musique canadienne. Et aujourd'hui, j'ai entendu dire, François, que tu vas aimer ça. Ouais. Tu vas être un fan de cette chronique-là en particulier. Ouais. On l'accueille et on lui en parle. Voici Kiwan en cavale. Bon matin, Kiwan! Bon matin! Hey, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. Super. Aujourd'hui, Kiwan, je sais pas, j'ai dit à François tantôt que qu'elle a aimé la chronique d'aujourd'hui, c'était un petit peu sarcastique. Oui, je sais pas si elle avait noté ton sarcasme. Non, vraiment pas. Il est dur à détecter. OK, bon, d'abord, je vais m'excuser tout de suite auprès de François-Olivier. Là. Je pense que tu l'aimeras pas aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi donc? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le chiptune. Non! Yeah! Yeah! Pas toi aussi? Et de deux dans l'émission. Ah, ouais. Deux personnes qui aiment ça. Yeah! Non, mais ça arrive pas souvent quand même. Là. Puis, c'est ça, je vais quand même vous en parler un peu aujourd'hui. Mais avant de parler de chiptune, oui. J'aimerais ça faire un petit retour rapidement sur les Bucky Awards. Ah, de CBC Radio 3. Oui, c'est ça. Je vous ai parlé il y a quelques semaines des Bucky Awards, qui est un genre de remise de prix underground ou indépendante. Et on avait parlé, entre autres, de la catégorie francophone, meilleure raison pour apprendre le français, qui était un peu controversé avec en nomination Jill Barber, qui a une seule chanson francophone. Donc, je vais juste rapidement, comme ça, parler autour un peu des artistes qui ont gagné, si jamais ça vous intéresse. L'artiste qu'on vient juste d'entendre, que vous avez fait jouer, Ostra, a gagné pour meilleure voix. Ah, super. Meilleure parole de chanson Hey Rosetta avec la pièce Welcome. Meilleure performance sur scène R. Kells. Meilleure nouvelle artiste Braids. Meilleure chanson Dan Mangan avec Rose of Houses. Dan Mangan a aussi gagné pour l'artiste le plus sexy. Okay. Ils ont de toutes sortes de prix là-bas. Ouais, c'est ça. C'est que les catégories sont originales quand même. Entre autres aussi meilleur nom de nouveau groupe. C'est Hono Yoko qui a gagné. Et chanson la plus canadienne. Elliot Broad avec Northern Air. Bah. Et meilleure raison pour apprendre le français, là, j'avais pas dit, c'est Cœur de pirate finalement. Oh. Ça a du sens quand même. Ouais. Alors voilà pour les Bucky Awards, ça a été remis en ondes la semaine dernière sous les ondes d'une autre station de radio. Oui, mais une radio qu'on apprécie là quand même. On peut les nommer, là. C'est pas nos ennemis ça là. Non, c'est ça, mais je me suis dit que je les nommais tellement souvent que les gens vont penser que je travaille pour eux. Ou je sais pas. C'est vrai que t'as l'air de faire ça quand même, mais ils pourraient t'engager comme représentant publicitaire à Outre-Lac. Ouais, peut-être, je devrais appliquer, je pense. Peut-être. Parce que justement, parmi les artistes que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a un que j'ai découvert sur cette radio-là, qui n'a pas quand même l'habitude de passer tant de chiptunes. C'est un segment qui est un petit peu plus traditionnel, un petit peu plus rock canadien. Donc, chiptunes n'est pas nécessairement un emblème du rock canadien. Pas tellement. Non, c'est ça. Donc, le groupe que je vais vous présenter, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, s'appelle Born Gold. Mais juste avant ça, je vais vous parler de We Are Enfants Terribles, qui est un groupe qui a déjà joué, je crois, sur C'est Fou. Oui, ça a déjà été sur le palmarès une pièce de leur album complet le plus récent, celui qui a un enfant rouge qui pleure. Là. Oui, c'est ça. Cet album-là s'appelait Explicit Pictures. Voilà. Il est sorti seulement en avril dernier, donc ça fait même pas encore un an. Mm-hmm. Et la semaine dernière, il y avait un EP, un nouveau EP du groupe qui sortait, qui s'appelle La vie est belle, mes enfants. Étrangement, même si tout est en français dans ce que tu dis, là, ça reste un groupe qui chante en anglais dessus. Là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un groupe qui est originaire de la France, mais okay. qui chante généralement en anglais, mais la pièce que je vais vous présenter aujourd'hui, les pièces du nouveau EP sont, je crois, sont peut-être pas toutes francophones, mais en tout cas, la pièce que je vais vous présenter est en français. Ah, intéressant. Et je me demandais un peu, on pourrait se demander en fait pourquoi sortir un EP 8 mois comme ça après avoir sorti un album complet. Mm-hmm. Et puis c'est pas un groupe qui est très très vieux non plus, leur premier album, là, genre de démo était sorti en novembre 2010, donc ça fait à peu près un an, l'album Wildfish, puis c'est l'album qui les avait fait connaître. Mais dans le fond, avec ce style de musique-là quand même, le succès souvent repart aussi vite qu'il est arrivé, là, c'est-à-dire instantanément. Ce groupe-là, c'est pas un groupe dont on a entendu parler là, très très longtemps là, avant l'année passée, quand ils sont arrivés avec leur album Explicit Pictures. Ils ont eu des bonnes critiques des irrecuptibles en France, puis ça les a vraiment lancés presque instantanément là, partout à travers le monde. Donc j'imagine qu'ils voulaient pas se faire oublier, hein, parce que quand même dans ce style-là, les gens aiment beaucoup très très rapidement, puis après ça passe. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous en avez joué sur les palmarès, c'est fou, et probablement beaucoup de gens qui écoutent, c'est fou, les avaient déjà oubliés. Ouais, exact. Et nous, on en a pas vraiment refait jouer non. Après que ça ait été sur le palmarès. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment là la pertinence pour un groupe comme ça de sortir un petit EP régulièrement comme ça pour titiller l'oreille. Et en plus, c'est fun de dire le nom, parce que vu que je chante en anglais, j'arrêtais pas de dire « We are enfants terrible ». Donc, ouais, j'aimerais vraiment pouvoir prononcer ça comme ça. Je savais pas trop comment dire, donc je me suis pas trop cassé la tête. Là, moi, je me suis cassé la tête pour toi. J'imagine que c'est comme ça qu'ils disent, de toute façon. Et ça va être un petit peu différent quand même. Je trouve qu'il est plus axé sur les paroles. Et justement, il y a des chansons en français. C'est toujours le même style, là, assez c'est de l'électro, assez dansant, assez rythmé. Mm-hmm. Mais les 4 pièces du dernier EP là, sont vraiment plus axées sur les paroles. Donc nous, on va entendre la pièce « Je suis content ». Un petit peu plus tard, mais avant ça, on va écouter l'artiste, le groupe Born Gold, qui ont sorti leur album. Ça fait quand même déjà quelques... c'est sorti à la fin septembre, donc ça fait 2 mois. Et donc ça, l'album s'appelle Body Songs. J'ai entendu ça par hasard comme ça sur CBC. Je trouvais ça justement étrange d'entendre du chiptune. C'est sûr que c'est peut-être pas là du pour les purs et durs comme toi, Mathieu, là, du chiptune. Ça fait trouver que c'est pas du vrai chiptune. Il y a des éléments de musique 8 bits dans leur musique. Mais même dans ce que je fais jouer comme chiptune, il y a du calme, il y a du plus beaté, il y a du plus, tu sais, il y a plein de styles. Chiptune, c'est même pas un mot qu'on devrait utiliser pour englober cette musique-là, tellement ça, c'est supposé être quelque chose de bien précis, mais on l'utilise à toutes les sauces. Là. Donc je vais peut-être aimer ça quand même. Là. Donc c'est ça, il y a des éléments là, de chiptune que tu pourras reconnaître et nommer. Des bloup-bloup en arrière, oui. Mais c'est ça, il y a des paroles aussi. Là. Puis c'est quand même assez mélodique. C'est une musique qui est quand même assez mélodique, même si c'est rythmé, là, puis c'est électro. C'est 8 bits quand même. Mais ouais, vous allez voir, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai vraiment complètement accroché sur la pièce « Long Knives ». Qui est le premier extrait là, de l'album qui joue un peu partout. Mm-hmm. Et je vais vous présenter une autre pièce aussi de Born Gold qui va s'appeler End of Days. J'ai écouté l'album au complet et moi, personnellement, je vais avouer que un album au complet, c'est vraiment trop. Là, ah oui, ça se peut. Après 2 ou 3 pièces, puis surtout sur l'album, la façon que l'album est construit, les meilleures pièces sont les 3 premières. Mm-hmm. Puis après ça, ça devient assez répétitif, puis un peu moins mélodique, un peu moins de texture dans le son. Donc, vers la fin, là, moi, je décroche complètement. Mais j'ai choisi quand même les 2 meilleures pièces. Toi, Mathieu, je pense que tu vas beaucoup apprécier. Ben merci, j'ai vraiment très hâte de l'entendre. Moi c'est ça, le chiptune, j'en écoute fréquemment, c'est de la musique que j'écoute à la maison souvent. Mais les styles de musique doivent être variés dans le chiptune parce que sinon j'avoue que juste une c'est redondant. Ouais, c'est ça, c'est redondant. Tu finis par dire, tu sais, on a compris puis arrête, stressé puis tu chaises, puis là, ben oui. Donc on va entendre 2 pièces de Born Gold, Long Knives et End of Days et suivra après ça We're Enfant Terrible avec Je suis content. Donc ça va être un beau bloc de 3 pièces que Kiwan nous présente en cavale en Alberta. Merci. Merci Kiwan. Et je m'excuse encore à François-Olivier. Non, non, non, c'est correct, c'est correct. Un jour, il te pardonnera peut-être. D'accord. À la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. We all got clothes. Snip, snip, snip. I wouldn't blame you. L'extrait « Je suis content » de We Are Enfants Terribles dans le bloc qui en cavale d'assemblage requis. Avant ça, on a entendu deux pièces de la formation Born Gold. Il y a eu End of Days, on a débuté avec Lawn Knives et veux pas, là, We Are Enfants Terribles. Il y a aussi du Bleep Bloop derrière là, du chiptune, donc c'est vraiment un bloc qui se tient très bien de la part de Kiwan. Et t'as aimé ça? J'adorais ça. Ouais. Sérieusement, Born Gold, là, j'étais... Tu connaissais pas? Non, du tout. J'étais sur l'iTunes Store dans Born Gold. Là, pis, le poche, toi. Je suis proche du bouton. Là. Ah ouais. Il est dangereux. Il dit... C'est pas là que ça se passe? Acheter... ouais, je pense que ça va être pas mal ça. Bon. Ouais, c'est fait. Hein. C'est fait. C'est un peu tard. Hein. J'aurais pu aller voir s'il était disponible ailleurs, mais non! J'encourage la musique. Bon. Une fois de temps en temps, quand t'aimes quelque chose. Bon. C'est la morale de l'histoire. Hein? Ben oui. Hey, une fille qui vient de se lever, mais qui est beaucoup plus en forme que moi. Hey, elle est encore couchée. Ouais, c'est ça. C'est Stéphanie Gagné. Voici ton plat favori. Bon matin, Stéphanie Gagné. Bon matin, les garçons. Comment ça va? Ça va bien. Ouais, t'es encore couché? Oui, je suis encore couché. Oh. On dit tout, hein? Tout ce que tu dis à François finit par sortir en ondes. Oh, ça me dérange pas trop. J'ai rien dit d'incriminant. Non. D'ailleurs, la semaine prochaine, elle nous parle de lutte. Ça, c'est faux. Est-ce que tu regardes la lutte, c'est ça? Non, couché même pas. Ça me dérange pas, la lutte. J'aime pas regarder ça, mais c'est rare que j'écoute ça. Bon. Tu prends pour qui le bar quand tu le regardes? Ouais, c'est ça. C'est qui ton lutteur préféré? Je connais pas ça, c'est pour avoir un lutteur préféré. T'es poche. L'Underwear Maker. Whoa. Underwear Maker. Non. Hein? Non, je prends pour le Underdog tout le temps. Ah, peu importe c'est qui. Oh boy. On s'entendrait pas bon. Mais l'Underdog, il n'y a aucune chance, Steph. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça, ça dépend. Ça dépend. Stéphanie Gagné qui est en direct de Gatineau pour nous parler de ses plats favoris de la semaine. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Oui, cette semaine, j'ai le groupe C2C avec un album qui s'appelle Down the Road. C'est un ami qui m'a fait découvrir ça cette semaine. Et j'ai vraiment... en fait, j'ai vraiment capoté. C'était vraiment un gros coup de cœur. Coup de cœur, c'est ce que ça veut dire ça. J'imagine C2C, coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Non, je pensais que c'était ça moi aussi, mais à ta minute, je vais te dire qu'est-ce que ça voulait dire. Pour vrai, c'est vraiment étrange. C'est pas quelque chose de super évident, mais à ta minute, je vais te dire ça. Bref, c'est coup to cross. Coup to cross. Coup to cross, OK? Ouais. Bizarre. Ouais, moi aussi, c'est ça, je me suis dit. Bref, c'est un groupe nantais de 4 DJ. Ils ont été nommés champions du monde d'EMC, un championnat de DJ, pendant 4 années de suite, de 2003 à 2006. Ils n'avaient toujours pas sorti d'album depuis leur championnat, mais ils ont sorti un premier EP en Europe la semaine passée, qui s'appelle Down the Road. Et la chanson-titre est vraiment, vraiment écœurante. Ça commence avec une petite intro bluesée. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est vraiment super surprenant après la petite intro de quelques secondes. C'est vraiment pas ce à quoi on s'attend quand on entend l'intro blues. Okay. Mais bon, je vous conseille d'écouter tout l'album. Il est vraiment écœurant. Vu qu'on peut pas l'avoir en magasin, je vous conseille fortement de vous le procurer sur le web. iTunes et vous ça. Exactement. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est d'excellents DJ. C'est cool, ça. Et aussi, je voulais vous parler de Grimes, son vrai nom, Claire Boucher. C'est une artiste de 23 ans qui vient de Vancouver, mais elle habite maintenant à Montréal. Elle a 3 albums depuis 2010. Son dernier, Vision, est sorti fin janvier. C'est de la dream pop. Habituellement, je suis vraiment pas une fan de dream pop, mais la chanson que j'ai choisie, Oblivion, a vraiment un petit quelque chose de spécial. J'ai beaucoup aimé le clip aussi. On voit Grimes dans plusieurs situations vraiment typiquement masculines. On la voit à une partie de football, dans un mosh pit, dans un vestiaire de gars. Mais si vous aimez bien Grimes, elle va être en spectacle bientôt le 31 mars à Montréal avec Born Gold, un autre groupe dont je vous ai parlé c'était pas trop longtemps. Ça, c'est bon. Ça, c'est la musique à style chiptune, là. Un petit peu jeu vidéo. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Moi, j'adore ça. Je trouve ça super bon. Hey, mais t'appelais ça comment? Du gym pop? Dream pop. Dream pop. Okay. Dream pop. Okay, tu vas voir, est-ce que t'as déjà écouté du dream pop? Non. Apparemment, non, il a goûté au Jim Puff, par exemple. Ça, c'est des cordes de fromage, je pense. Mettons que c'est de la musique, t'as l'impression d'être un nuage. Tout est un peu flou, la voix est pas claire, les instruments non plus. Mais bref, c'est spécial. Bref, t'es endormi. C'est comme quand tu dors. Non, du tout. La musique de drogué, ça. Ouais. Meuf, ok, elle. Tu vas voir. Puis donc, Gatineau, qu'est-ce que t'as fait Gatineau? Gatineau a une mauvaise influence sur toi? Rien pas à tout. Bon. Parle-nous de ça. Cool. Donc, on va entendre ces deux pièces-là. Et est-ce que t'as autre chose à nous raconter de ta vie de tous les jours, Steph? Non. Tu t'en vas à tes cours, là? Non, pas de cours aujourd'hui. Ah? Tu fais la relâche? Non, relâche, c'était il y a 2 semaines. Ok, donc t'es malade? Non, j'ai juste congé. Ah, ok. On cherche des raisons pourquoi tu vas pas à l'école, là. Non, c'est parce que dans notre programme, c'est un peu bizarre. Notre horaire, c'est pas tout le temps pareil. Hein. Ok. Comme mardi prochain, c'est des cours, par exemple. Mais tu fais quand même une chronique, là. Oui, toujours. Oui, bon, parfait. Alors, on va entendre Grimes tantôt. On débute avec C2C. Rappelez-nous ce que ça veut dire. Coucou de... Coup to cross. On essaie de comprendre ce que ça veut dire pendant la chanson. Merci Steph, à la semaine prochaine, mardi, à 7h30. Oui. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Bye bye. Coup de crosse. Un coup de crosse. Ah, je comprends. Ah, là. Rien à comprendre, un coup de crosse. Le sport, la crosse? Peut-être. Have no place to go. Darling, have no place to go. I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Come walking out. Réveille-toi de ton rêve. Ouais, je me sentais pas comme un rêve. Non, mais ça a quelque chose de rêvesque, quand même. C'est bon, j'aime ça. Oh, non, c'est pas mauvais. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là. Grimes et la pièce Oblivion sur l'album Visions à Assemblage Rookie. C'est dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Avant ça, on a entendu C2C et la pièce Down the Road. Maintenant, pour compléter le plat favori de Stéphanie, c'est les crudités de François-Olivier. Oui, et aujourd'hui, ça va être bien simple. En fait, je fais un petit rappel de ce qui s'est passé hier, ici même à l'université. C'était le spectacle Les soirées cachées de Sifu. Ben oui. Ça se déroulait hier dans le pavillon Michel Sarrazin. Et la salle était le Rodolphe Mathieu. Une très belle salle. T'avais jamais vu cette salle-là? Non, j'avais jamais été là. Ben, d'ailleurs, Michel Sarrazin, le pavillon est quand même loin. Oui. C'est celui en bas de la côte, là. C'est assez reculé. Et puis, c'est ça, je vais pas souvent dans ce pavillon-là. Et encore moins dans cette salle-là. Donc, c'était la première fois que j'allais là. Capacité de 125 personnes. Il devait avoir environ là, peut-être 80 personnes. Là. Donc, c'était formidable. En fait, l'ambiance était là. La salle était belle. Le son était bon. Le groupe était bon. Et puis, en fait, ça a commencé pile poil. Il y avait en première partie Pierre-Olivier. Attends un petit peu que je trouve son nom. Là. Ah, j'ai dit ça sous la main. Non, c'est un chanteur? Ouais, Pierre-Olivier Brouillard. Si je vois de souvenirs, là, ma mémoire peut... peut faire défaut, là, mais lui, d'ailleurs, il va être présent à UQTR en spectacle, okay. Qui se déroule, je crois, jeudi. Voilà, en fait, c'était super bon. Il a fait, en fait, c'est de ses compositions, et d'ailleurs, il a repris quelques chansons, et puis c'était formidable. En fait, l'ambiance était là, tout pour réussir, une première expérience, en fait, là, qui était fort agréable. Donc, félicitations, j'aimerais d'ailleurs féliciter Magali, Julien. Oui. Qui s'occupait de tout ça, en fait, de tout mettre en branle. Du très beau travail, beaucoup de travail, beaucoup de personnes impliquées. C'était formidable. Parfait. Merci, François. Ça fait plaisir. S'il y en a d'autres, en fait, on va vous tenir au courant, hein, Assemblage Rookie. C'est ça. Donc, moi, je vais compléter ça avec mon dessert délicieux et on entendra tantôt du « On a créé un monstre » en passant à la fin de la chronique. Mais donc, j'allais dire, mon dessert délicieux, c'est la plus récente blague de Improv Everywhere. À chaque fois qu'ils en font une vraiment, vraiment géniale que je trouve différente, je vous en parle parce que je trouve ça cool. Ça, c'est quoi? C'est eux qui, à un moment donné, bon, ils en ont fait plein. Ceux qui ont fait le Frozen Grand Central, tout le monde arrêtait de bouger au même endroit, c'est que ça a fait le tour de la planète, là. Tout le monde a vu cette vidéo-là. Ils en ont fait plein d'autres, là, genre des balades en autobus où les gens portent pas de pantalon, ou ils mettent un... Tu sais, toutes ces affaires-là, des affaires en public qui font réagir les gens. Le plus récent qu'ils ont fait, c'est le Spinning Beach Ball of Death. Ils ont, à la plus récente conférence TED, qui est la conférence là, qui a lieu à Los Angeles, à Long Beach, pardon, en Californie, à chaque année. C'est une conférence de grands penseurs de la vie, des gens qui ont des grandes idées. Bref, ils ont mis un faux gars, une fausse personne. Ben, en fait, c'est une vraie personne, mais qui donnait une fausse conférence. Donc, c'était Eugene Cordero qui jouait la personne en tant que tel, Colin Robertson. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il était sur scène et puis il faisait sa présentation là, sur un sujet quelconque. Là, c'était vraiment pas important. Et puis, à un moment donné, il arrivait la petite boule de, on dirait un ballon de plage sur Mac, là, tu sais, ce qui tourne tout le temps puis que ouais, tu ouais. dis, c'est en train de crasher. Là. Donc, pendant genre 20 secondes, cette boule-là tournait. Fait que là, ben, le gars fait comme crime tout inconfortable. Mais peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine affaire. En tout cas, je vais essayer de vous résumer ça. C'était super inconfortable. Et puis là, plus le temps avance, plus les choses vont mal pour lui. Puis là, il arrive plein de pop-up dans la fenêtre sur grand écran. Fait que le gars a l'air super mal à l'aise. Mais finalement, on révèle que tout le monde dans la salle, il y a plein de gens qui ont des parapluies ou des parasols avec la beach ball. Puis ça tourne. Puis il y a des gens qui portent des perruques. Puis ils commencent à faire une danse sur la scène. C'est vraiment super beau. Regarde, ça commence comme ça, man. Today, I'm going to talk about unexpected discoveries. Now, en plus, c'était une conférence sur des découvertes genre surprenantes. Okay. Donc, j'avance juste un petit peu pour aller trouver les bons moments. Là, tu vois, ça commence. Plein d'erreurs. Oh! Mais là, personne ne sait que c'est pas un vrai gars qui est en avant qui donne une vraie conférence. Tout le monde pense que c'est vraiment... Non. Ben, il y a des gens parmi ceux-là qui... Ouais, ben ceux qui ont des parasols, Bon, là, il rampe plus, il est plus capable. Finalement, à un moment donné, arrivent les parapluies. Et le gars continue d'avoir l'air mal à l'aise pendant ce temps-là. Là. Ah ouais? C'est pas révélé avant la fin, là, t'sais. C'est ça, tout le monde qui danse, c'est ça. Hey! Excellente idée, aller voir une galerie de photos, de choses, comment qu'ils ont créé cette surprise-là sur assemblagerequis.com dans les liens de la chronique Ton plat favori. Et ça se déroulait hier? Non, c'était non. Récemment. Je peux pas te dire exactement la date. En fait, je peux sûrement te le dire. C'était posté le 9 mars, donc ça date d'il y a quelques jours quand même. Mais c'était enregistré donc à la conférence TED en Californie récemment. Voilà. Je vous laisse aller voir le lien pour ça. Et puis, on a créé un monstre avec la pièce Brûle qui est sur le palmarès francophone. Brûle! On a créé un monstre tout de suite. Ça, c'est fou! Guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis, chronique préférée automne 2011 et hiver 2012. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis, chronique préférée automne 2011 et hiver 2012. When the light of day

fall is fading away. Sometimes hard for me to stay. Here comes that sun once again. My roving heart is about to bend. As far as I can see, my restless mind is free. I'm going to pack my teens, go for a walk. Write a song, write it on a wall. I'll pack my teens, go for a ride. Feel it all. What sunshine? Que se termine cette émission spéciale Guide de l'utilisateur d'Assemblage requis, chronique préférée automne 2011 et hiver 2012. Je remercie Jasmine Raymond-Drainville, Sébastien Dulude, Simon Fritzbé, Stéphanie Gagné, Kiwan La Liberté, Marie-Pierre Laforge-Bourret et la formation eShow d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Prends aussi le temps de remercier les autres chroniqueurs de l'émission, Nicolas Ducharme, Anne-Julie Durocher, Xavier Antoar, François Landry et David Perron. Soyez à l'écoute demain matin, le mardi 2 mai, pour notre émission de fin de session en compagnie de Michael, Antoine et moi-même. Ensuite, ne manquez pas la version estivale de notre émission, La vie de croisière d'Assemblage requis, que j'animerai avec Jasmine Raymond-Drainville tous les jeudis de l'été de 13h à 17h, en rappel les samedis à midi et les lundis à 15h. Restez à l'écoute pour le dîner de cons avec Danny Janvier, ça débute à 11h. C'était Mathieu Plante, passez une très belle semaine et à la prochaine!